sunny side of the mountain where the rippling water flows. Don't forget about the days we courted many, many years ago. Don't forget about the promises you made me and Rose. For I'll be waiting on the hillside when the day you will call. On the sunny side of the mountain where the rippling waters fall. Wondering a little, darling, wondering where you could be. Well, it's been so long now since I've seen you, but your love still lingers on. Don't forget me, little darling, though our love affair seems gone. Yeah, don't forget me, little darling. We'll be right back. et que tu ne le regretteras pas. Je t'avais aperçu, c'est pas très difficile. Comme tu parles ici, on n'a pas 36 000. Bimbo à moi. Bimbo à moi. J'ai rarement vu une créature, mais quelle allure. J'adore ta chevelure, sans parler de ta carrure. Si tu continues à bouger comme tu bouges, tes hanches me mènent au sang, je finirai toute rouge. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Des fleurs, mais que faire pour avoir ton numéro de téléphone? Faut dire à ta maman qui répond quand je sonne. Bimbo à moi. Bimbo à moi. Si tu continues à me mouver comme tu mouves, faudra bien que tu prouves ton nom, Mr. Groove. Pourquoi pas faire un tour dans ma bagnole à moi? Il faut juste qu'on s'arrête pour acheter du quoi. Après Axel Red, je vous laisse avec tout simplement un des chansons tout simplement de Michel Delas, et puis juste après Bernard Lavilliers. un soleil rouillé sur ta peau métisse, son âme, nos deux sang mêlés, terrains élastiques, alors tout peut arriver ailleurs, loin d'ici. Je veux plus y penser. Quelques mots d'amour au fond du lit de ma voix cassée. Je prends le magnificat, c'est plus basique qu'une cantate, mais pour la langue à crampin pour le ska, le zi, le zou, le zé, le big lac du zang, le du zé, à vous, le big zac du lac, le zouk du lé, à vous, le zac du lac, le zouk du lé, le bap du chicago lang, wing le dé. Le roi des diplomates, le ska, les ethnotes, on se tire jamais dans les pattes pour le ska. Comme conséquence immédiate, ça donne une de ses patates. Mais pour la langue, un grand pain pour le ska, le zi, le zou, le zé. Bap, tu bap, ou bap, tu bap. Je parle magnifique, et plus basique que cantat, mais pour la langue d'un grand pain, pour le scandale, le zi, le zi, le zi, le zi, le zi, le zi, le zi, le zi, le zi, Yeah.

nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Ça sert si on n'est pas sûr de voir demain à rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier parce qu'on vient de loin. La FM en couleur. Voilà donc après tout simplement Cormeille. Voici donc qui s'appelle Jean-Louis Aubert. Le titre c'est Alpha Graphia et prêt c'est Eddie Mitchell. Tu es belle quand tu dors. souffrance, ils ont tous faim, c'est pour de bon, silence. Mais le parti lui veille au grain, le grain qui ne pousse plus, et demain, ils n'auront plus rien demain. Les flics dans les rues interpellent à vue tous les 100 mètres. Miguel et Roberta sont au commissariat jusqu'à demain peut-être. Oh, Alta Gracia, tu es belle. La politique avalera ses démons. Et la musique se lèvera sur la ville au-dessus des toits. Et le peuple chantera son canon. Chocolat glacé, glacé. s'éteint déjà, la salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Voici donc Juliette et son titre s'appelle « Les garçons de mon quartier ». Regard dur dans de grands yeux de fond, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. Ils portent le maillot de leur joueur préféré et tatoué sur la peau un Christ ensanglanté. Nuit et jour en maraude, ils vivent de fumée et de diverses fraudes. Garçons de mon quartier, et moi je vais prier, la main dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Le prénom d'acteurs américains, s'il suffisait d'un nom pour changer de destin. Mais Nelson ou Brian prendront à la sauvette, ivre de Marie-Jeanne, une balle dans la tête. S'ils disent que demain est un mot inventé, c'est qu'ils n'espèrent rien, les garçons de mon quartier. Impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur, ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés, les garçons de mon quartier. Parmi eux j'en aime un ange de beauté, un gamin s'il n'était dévoyé, trafiquant caissicaire et parfois prostitué. Je ne donne pas cher de sa peau adorée, alors je serai veuve avant d'être mariée. C'est là la triste épreuve des filles de mon quartier. Vierge des tueurs, combien faut-il qu'il en meure pour que tu daignes regarder les garçons de mon quartier? Ô Sainte Vierge des tueurs, verse un peu de douceur sur les cadavres jeunes et beaux de l'antico de mi barrio. 96.2. La FM en couleur. Voici donc Stéphane Echer, il a rendez-vous, et puis juste après lui, c'est devant Laurent Voulzy avec Rock Anderson. J'avais dormi quelque part, une nuit où tu n'étais pas là. J'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien. Et comme je pense encore à toi, et pas d'espoir devant mes yeux, pourquoi m'as-tu laissé partir, pourquoi m'as-tu laissé là. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien. Est-ce que je t'ai pardonné? Je t'ai aimé, bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien. Yeah. À quoi ça

cachet. C'est le régal parfait des joyeux marseillais. Les plus fainéants pour pêcher se dépêchent. Les plus blasés ne s'enlacent jamais. Quand ça pite à l'hameçon, on retire vite, vite, on retire le poisson. À qui les doux le plaisir de la pêche, c'est le régal parfait des Marseillais. Arc-en-ciel, 96.2. La FM. Petite histoire, les histoires A avec les Rita Mitsuko et celui de Francis Cabrel. Le titre de Francis Cabrel s'appelle La chaîne de Liège. Yeah! l'océan chaîne Liège. Je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je. Est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là? Êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches, ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare, où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux. On vous attend, on vous espère, mais c'est le doute et le mystère que vous m'aurez appris le mieux, adossé à un chêne liège. Je descendais quelques arpèges par un après-midi. Descendait quelques arpèges par un après-midi pluvieux. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. À Maui, il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au cette terre, oui, les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent ici la haine. On m'avait dit, petit gars, là-bas, on t'enlève tes chaînes. On te donne une vie sans te jeter dans l'arène. Comme ici, tout petit, après 9 mois à peine, te plonge dans une vie où tu perds vite haleine. Alors, sans hésiter, j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin cette terre. Là-bas, trop de lumière et du fermé les yeux. Remplissait tous mes voeux. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. Oh, oh, oh, oh. Alors une petite fille aussi belle que nature me prit par la main et me dit, suis cette aventure. On disait même oui que la mer l'enviait, que la montagne se courbait pour la laisser passer. Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin. Ses boucles dorées dégageaient ce parfum qui depuis des années guidait ce chemin. Ton chemin, mon chemin, le chemin. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. I just wanna be free in this way. Just wanna be free in my world. Vivere per libertà. Vivere nella libertà. enfants qui n'ont pas de limite comme on a maintenant. J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton, des fleurs voler caressant l'horizon. J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciels. J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles. I just wanna be free in this way. La FM en couleur. Voici donc qui s'appelle Jean Racine. Le titre s'appelle tout simplement Faisons l'amour. Et puis juste après, Renaud, le perdu, tout simplement. La lumière baisse, les ombres passent, les étoiles naissent, des mains s'enlacent. Le soleil couche avec la mer, les êtres touchent leur partenaire. Réveille les amants, leurs sentiments. La nuit endort la grande vie, les étoiles filent jusqu'au petit jour, jusqu'au petit jour. Faisons l'amour, surgissent, les mots se taisent, les liens se tissent, les secrets règnent, les yeux se cherchent, les cœurs se saignent, d'autres se prêchent. Enfuis comme des innocents, dire qu'on se ment. Enfuis ces cœurs qui vacillent, les cœurs se plient jusqu'au petit jour. Jusqu'au petit jour, faisons l'amour, leurs sentiments. La nuit endort la grande vie, les étoiles filent jusqu'au petit jour, jusqu'au petit jour. Faisons l'amour, âme aux galères, au cœur de son âme au sol, de sa moitié. Les chaînes se sont brisées, et mon cœur n'appartient plus à personne. À 40 ans bien sonnés, j'ai peur qu'il ne soit perdu à jamais. Cœur à prendre, pas à vendre, à donner. Un peu naze, un peu d'occase, un peu cassé. Cœur en miettes, en détresse, en compote. En morceaux, en lambeaux, au fond des bottes. Il a aimé bien longtemps, la plus belle de tous les temps. Il a chanté. Il a battu pendant 20 ans, pour un amour à présent. Envolé. Il a eu plus que d'aucun, du bonheur au quotidien, chaque seconde. Il a pleuré en silence pour l'éternelle souffrance de ce monde. Cœur à prendre, pas à vendre, à donner. Un peu naze, un peu d'occase, un peu cassé. Cœur en miettes, en détresse, en compote, en morceaux, en lambeaux, au fond des bottes. Le cheval, la maison, le feu a tout emporté. Ma chemise, tes bottillons. Tout, tout, tout et plus rien. Tout, tout, tout et plus rien du tout, non. Tout, tout, tout et plus rien. Rien. La FM en couleur. Voici donc un Jennifer avec Comme c'est bon et puis suivi de Et tu danses avec lui, c'est Jérôme. Et regoûter au sel, posé sur ta bouche là. Crois-moi ou pas, je t'emmène revoir le ciel pour te chanter au sol.

éparpillés. Mon corps et mon cœur explosés dans des draps de lits étrangers, des évasions envisagées en quête d'identité. Éparpillé, j'étais, je suis et je serai celui d'avant, celui d'après. Toute une galerie de portraits, idiots et imparfaits, idiots et imparfaits. Arc-en-ciel 96.2 La FM. Restons que deux titres différents déjà de groupe collectif Métissé, avec le premier c'est Rendez-vous au soleil et le deuxième Marina. Oh, oh, oh, oh. Regard, j'ai retrouvé l'espoir. Toi et moi, c'est le début d'une histoire. Tu es celle qui sait lire dans mes pensées. Avec toi, le temps s'est arrêté. Yeah, man, original.

Arc-en-ciel en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Écoutez d'autres chansons. Voici donc la grille des programmes pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Voilà donc en soirée à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec l'émission Electric Choc demain, comme tous les jours, entre du lundi au vendredi, entre 7h et 9h, avec Francky, tout simplement au réveil. Et puis entre 9h jusqu'à midi avec Victor, Portugal. En festa, et puis dans l'après-midi, plutôt en fin d'après-midi, à partir de 18h jusqu'à 19h30, Violette, l'émission traditionnelle, et puis juste après, entre 19h30 jusqu'à 21h, avec Gloria. Non, plutôt Christina. Et puis donc, pour le jeudi matin, vous allez retrouver à partir de 9h jusqu'à midi avec Amer Giraud pour l'émission Vase de Portugal. Dans l'après-midi, Chantal avec Groove Tropical avec, entre 15h et 17h. Et puis vous allez retrouver Sylvie entre 18h et 20h. Pause musicale. Voilà donc, et bien je vous laisse maintenant avec tout simplement les Peters. Et puis juste après, Bin Ali. Together, at last at twilight.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Donc on va se retrouver dans les années 60 avec Claude François. Son titre, c'est la même chanson. Et puis juste après, Je ne suis pas si bête avec France Gall. Mais ils sont faits, et puis c'est mon histoire. Puis c'est voilà, et voilà, c'est réussi. Et c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Et ce soir, cette mélodie me rappelle un amour qui vivait autrefois. Oui, c'est la même chanson. Et la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Oui, c'est la même, même chanson. Et la différence, c'est que toi, tu l'entends pas. Non. Oh, là, je suis vraiment fou d'écouter cette chanson. Comme un idiot, mais elle me poursuit inlassablement, me rappelant le temps où tout nous semblait beau. Nous l'avons dansé des nuits entières, on s'aimait pour toujours, mais ça c'était hier. C'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même, même chanson. Tu m'as rendu heureux. Bien sûr j'ai souffert, j'ai même cru en mourir, mais ça valait la peine. Et c'était merveilleux. On en sait sous cette musique, on fait l'amour sous cette musique. Et la oh, oui, oui, c'est la même chanson. Et la différence c'est que toi tu n'es plus là. C'est la même, même chanson. Et la différence c'est que toi tu l'entends pas. Non. Encore un petit garçon pour moi, voyant qu'il était trop bête, bête, bête. Il m'a embrassé, encore embrassé, et depuis c'est lui qui aime.

لنا مصواني أو لنا إلى دلوسة سوهم فينا جاوهم La FM en couleur. Voilà donc, après Docteur Alban, voici donc, je vous laisse avec Julien Tori. Le titre s'appelle Coco Kalina. Et puis juste après, début de soirée. Sur la plage, Coco Cali, ton corps si vague, sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noire. Dans tes yeux, Coco divine, vient la pluie, hélas. Je te veux sous l'eau marine, au désir des âmes. Je te veux, Coco Cali, je te veux, prends-moi. Je te veux, Coco Cali, je te veux, prends-moi. Sur la plage, Coco Cali, sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco Cali, sur la plage, Coco. De ta bouche, Coco naïve, l'océan me parle, la comble à l'eau saline, sur tes lèvres pâles, sur ta peau mélange sublime, les dauphins du large, ont le cœur tropique, au lointain rivage. Je te veux, Coco Cali, je te veux, prends-moi. Je te veux, Coco Cali, je te veux, prends-moi. Sur la plage, Coco Cali, sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco Cali, sur la plage, Coco. Plus haut, et tu chantes. Après lui, ce sera Enrico Macias. Mais avant lui, ce sera tout simplement Enrique Iglesias. Take off your shoes.

Voilà donc un country, et puis juste après on écoutera Barry White. And the move is over now, everyone is up to leave. As we go we look around, counting all the memories of the movies and the stars. Everyone among us knows it's the final picture show. Tonight the doors will close evermore. Now the curtain slowly falls, people moving to the rear. Some are talking about the past, some are holding back the tears. Knowing soon the walls will fold for another parking lot. Everyone among us knows the final picture show, and tonight the doors will close evermore. But why must it take away a part of yesterday? After school most every day, I would work down at the store, saving up for matinees. Where did Gary Cooper go? We could use a hero now. Everyone among us knows it's the final picture show, and tonight the doors will close evermore. As we gather on the street, looking at the old marquee, all the faces and the names of the stars come back to me. All the people wave goodbye, there is nothing we can do. Everyone among us knows it's the final picture show, and tonight the doors will close evermore. Ticket, please. Now, almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Oh, my Lord. Ooh,